Vous écoutez l'émission de Mireille Fréjot, La Belle sans la Bête, le journalisme des profondeurs sur Radio Impact. Bonsoir, ici Mireille Fréjot. C'est ça, j'ai commencé avec, je sais pas si vous l'avez bien entendu, avec une petite vidéo de ce que les gens entendaient hier en se promenant à Montréal. Montréal, la ville où je suis née, qui est rendue là. Alors, ben voilà, ça se poursuit. Tout se met en place pour la planète prison. Et il se réalise parallèlement à la censure une propagation de, des technologies de surveillance hallucinantes. Alors, c'est vraiment le règne, visiblement comme ça, du grand n'importe quoi, qui roule parce que la peur, c'est le carburant le plus puissant des médias et de la politique. Et c'est facile car dans la population, il y a une pénurie de la pensée critique. Le discernement, le gros bon sens semble avoir disparu des radars pour beaucoup de monde. Mais en même temps, d'autres semblent vraiment de plus en plus prendre l'ampleur de ce qui se passe en ce moment. Mais en passant, combien vous-même, alors combien de personnes, de journalistes, d'animateurs, de politiciens, d'artistes avez-vous rayé de votre univers? Moi personnellement, des tas. La liste est longue. C'est fou comme les masques tombent à la vitesse grand V. Et comme on assiste à la venue d'une flopée de collabos. Un sacré ménage du printemps. Et je sais maintenant, je le savais avant, mais je le sais encore plus maintenant, qu'aucun parti politique, tout parti et politicien confondu, ne m'intéressera plus jamais. C'est du pareil au même, c'est le déni, c'est la langue de bois mur à mur, c'est l'incohérence, tout en étant dans la perpétuelle manigance. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a beaucoup impressionnée dernièrement. Ça s'appelle « Enlever le gène de Dieu par la vaccination ». C'est une vidéo qui date de 2005. C'est un certain Joey Lombardi qui serait responsable de la fuite de cette vidéo. Semble-t-il qu'il a été inculpé et emprisonné. Alors, comme je vous disais, elle date du 13 avril 2005. Alors, il y a un gars qui donne une conférence sur le cerveau et un gène appelé VMAT2 à un groupe d'hommes en costume ainsi que différents uniformes militaires. Il parle de religion et montre des scintigraphies cérébrales par IRM. Il dit que l'inhibition de ça, là, du gène appelé VMAT2, pourrait, au fil du temps, faire basculer le cerveau d'une personne d'une structure cérébrale religieuse. Scientifiquement, vous savez, il l'appelle phénotype. Fondamentalement, vous pouvez changer un cerveau religieux en un non-religieux structure dans la structure du cerveau. VMAT2 est apparemment le nom scientifique de ce que les gens appellent le Dieu gène, ou le gène de Dieu. À la fin du clip, il dit qu'il a déposé une proposition sous le nom de FunVax pour commencer à expérimenter avec le gène VMAT2 dans le but de créer un virus, comme le virus de la grippe, qui supprimera ou remplacera ce gène de personnes au Moyen-Orient. Donc, je trouvais ça quand même assez intéressant. Tout ce côté de la vaccination qui est vraiment dans le but d'éliminer des parties de l'être humain. Et ce soir, j'ai eu envie d'aller ailleurs que la belle sans la bête. Je trouvais que c'était un bon moment pour... Non, tout simplement parce que j'avais envie d'aller ailleurs et d'aller où je vais aller ce soir. J'ai reçu le texte d'une amie, Madou Sauvé, qui a un blog qui s'intitule « La triple transformation ». Et j'ai eu envie d'en extraire des bouts. Dans le texte, on y parle, je vais vous dire de courtes biographies, de Sri Aurobindo, qui est un des leaders du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, un philosophe, un poète et écrivain spiritualiste et mystique. Ainsi que de Mira Al-Fassa, aussi surnommée Douce Mère ou la Mère. Elle est connue pour son parcours spirituel avec Sri Aurobindo. Elle est connue pour ses écrits et pour être à l'origine de la cité Auroville en Inde. Et de Satprem, qui est un chercheur français, un chercheur sur les mondes à venir, qui s'est consacré à Sri Aurobindo et à Mère. Puis juste mettre peut-être un autre mot, là, parce que je vais l'utiliser dans ce que je vais parler ce soir, qui est le mot « asura » ou « asura », qui est un mot sanskrit qui désigne les grands démons au mental très développé, qui contrôlent les hiérarchies démoniaques des mondes du vital, de l'astral, du physique subtil et du physique matériel. Alors là, je prends des extraits du texte que Madou m'a envoyé. Elle raconte « Ayant baigné dans la religion catholique toute mon enfance, j'ai entendu maintes fois des histoires sur le diable. Pendant plusieurs années... » C'est consacré. On n'entend plus. Ah, on me dit qu'on n'entend plus. On recommence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend maintenant? Oui. Parfait. Alors, je recommence. Je ne sais pas de... ici mon... T'es rendu à Constantin. Parfait. Alors, je recommence. Ayant baigné dans la religion catholique toute mon enfance, j'ai entendu maintes fois des histoires sur le diable. Pendant plusieurs années, j'ai couché dans la même chambre que ma grand-mère, Alma, une catholique dévote qui m'a souvent parlé de ce sujet. Ni ma mère, catholique par obligation sociale et familiale, et encore moins mon père, mathématicien et athée, ne semblaient donner crédit à de telles notions. Conséquemment, j'ai fini par balancer les anges et les démons dans une oubliette. Mes études secondaires au couvent ont achevé de dissoudre mon intérêt envers toutes les religions. Puis j'ai plongé dans mes études universitaires en bonne athée convaincue que le hasard avait créé l'univers et la terre. Vive le Big Bang! Même si ce dernier n'explique rien et représentait un dogme encore plus gros que celui véhiculé par le catholicisme, il était plus rassurant. Enfin, plus de démons, mais plus d'anges non plus. Un jour, quand mon premier enfant, Geneviève, avait à peine 8-9 mois et que je l'allaitais la nuit en lisant un livre de Rudolf Steiner, j'ai soudainement compris que les mondes invisibles existaient vraiment, les anges et les démons. Le diable était bien réel, bien qu'invisible. Je l'ai même senti tout près de moi. C'était si fort, si tangible, que je suis restée paralysée de peur pendant ce qui m'a semblé des heures. Je crois que je serais encore assise dans ce même fauteuil si je n'avais pas eu à ce moment-là mon bébé dans les bras. Si de telles entités invisibles étaient bien réelles et potentiellement dangereuses, il me fallait absolument comprendre ce qu'elles étaient et comment m'en protéger. J'ai donc passé rapidement d'un livre à l'autre, Théosophie, Rose-Croix, Allan Kardec, Edgar Cayce, Neil Donald Walsh, Helen Schumann, Courant Miracle, etc. Je me tenais loin de tout enseignement qui donnait des détails sur le diable. C'était encore trop gros pour moi. Mieux valait rester avec les forces positives, ou qui prétendent l'être, les êtres de lumière, les sylphes, les ondines et les gnomes. Cependant, mon étude de la conspiration m'a mené, bon gré mal gré, vers les mondes démoniaques. Par exemple, j'ai appris que les élites de ce monde participent à des cérémonies sataniques lors desquelles des informations sont acquises à partir des mondes invisibles. Autant au niveau régional que national et international, et autant dans le passé que dans le présent, la grosse gomme de notre planète vénère le diable qui s'appelle Satan, Lucifer, Baal, Bélial, Léviathan, Belzébuth, Ahriman, Seth, Iblis ou d'autres noms encore. L'obéissance de nos dirigeants au diable explique bien des choses au sujet des événements terrestres actuels. Voici des exemples parmi tant d'autres. Des vaccins imposés qui contiennent des produits nocifs pour la santé. Une médecine de la mort qui empoisonne, charcute et irradie sans merci. Des pesticides et des engrais chimiques qui nuisent au bon fonctionnement de notre corps. Des OGM qui nous rendent malades et transforment notre ADN. Des centrales nucléaires qui déversent leur poison tout autour pour des milliers d'années. Des guerres incessantes organisées de toutes pièces et où les deux côtés sont contrôlés par les mêmes dirigeants cachés. La disparition de millions de personnes chaque année à travers le monde. Elles servent pour les dons d'organes, l'esclavage sexuel et l'expérimentation cachée, entre autres. L'installation de technologies visant à nous rendre malades et à nous contrôler mentalement. Télévision, téléphone cellulaire, une panoplie d'appareils fonctionnant à partir d'ondes de plus en plus destructrices, dont la 5G et la cerise sur le gâteau. L'enseignement athée qui nous a fait croire que ni Dieu ni le diable n'existent. Voyons, ma chère, tout le monde le sait, sauf ceux qui sont vieux, jeux ou ignorants, qu'une telle croyance désuète relève du folklore des siècles passés, nous dit-on. Madou poursuit. J'ai dû me rendre à l'évidence. Les événements mondiaux depuis le début de l'humanité, surtout à partir du 20e siècle, prouvent qu'une force terriblement maligne et incroyablement puissante nous pousse à commettre les pires crimes. L'existence du diable devient une évidence certaine et la vie humaine prend l'apparence de l'enfer sur terre. Voilà pourquoi les gens s'évadent dans l'alcool, drogue, sexe, télévision, etc. et même pourquoi certains choisissent le suicide. Cependant, l'existence d'une force contraire qui soit bénéfique afin de balancer les forces devient aussi évidente. Sinon, tout aurait été détruit depuis belle lurette. Le problème, c'est que quand l'on vit sur Terre, il est bien plus facile de voir l'enfer que le ciel et de croire au diable plutôt qu'à Dieu. Pour plusieurs, l'existence de Dieu devient un complément inévitable de celle du diable. Les deux opposants s'affrontent pour savoir qui va gagner le jeu terrestre. Les personnes possédant un discernement plus aiguisé choisissent un scénario plus raffiné dans lequel Dieu et ses anges sont les partenaires évolutifs du diable et de ses démons. Les deux travaillent de chaque côté de l'être humain pour le tirer des bons ou du côté des bons ou des méchants. Dans ce genre de scénario, une vie unique est disponible et on se ramasse inévitablement au ciel ou en enfer pour l'éternité. Cette pièce de théâtre particulière est promue par les trois religions abrahamiques, soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, en ordre d'apparition. Une seule vie et pas de place pour l'erreur. Les plus anciens écrits de l'hindouisme et plusieurs écrits spirituels modernes décrivent un divin unitaire, dont le corps est l'univers tout entier, y compris tous les mondes visibles et invisibles qui le composent, ainsi que tous les êtres et les entités qu'il recèle. Selon ses écrits, le diable serait donc une création du divin. Son rôle consisterait à aider l'évolution universelle en permettant aux âmes humaines d'explorer toutes les facettes du libre-arbitre. Et je répète, permettant aux âmes humaines d'explorer toutes les facettes du libre-arbitre. Au sein de la société occidentale dans laquelle nous vivons, on suppose que Dieu est nécessaire pour contrebalancer le diable. Pourtant, alors que le second semble bien réel, le premier demeure souvent hypothétique. Dieu semble même impuissant ou indifférent face à l'enfer dans lequel l'humanité évolue. Selon le scénario décrit dans les textes sacrés hindous et d'autres plus récents, dont ceux de Sri Aurobindo et de Mère, le divin a engendré le diable pour se faire progresser lui-même au sein de sa manifestation dans le monde matériel. Dans ce scénario, à la fois plus logique et plus attrayant, il n'y a pas de bataille des bons contre les méchants, mais seulement le divin qui a manifesté tout le reste et qui gère sa propre évolution de la façon la plus efficace et respectueuse possible. Je vais me faire une petite pause médicale, hein? Ouh! C'est fou comme... quel lapsus! Petite pause musicale, alors, c'est Kleng, Derek et la chanson Easy. A bottle to dip it down. A face like mine you'll never see around. And it ain't easy to. Be Je poursuis. Commençons par la définition du mot diable. Issu du nom grec diabolos, il signifie celui qui divise, celui qui désunit, ou encore trompeur ou calomniateur. Les religions chrétiennes parlent d'un seul diable qu'elles appellent Lucifer, porteur de lumière, ou Satan, qui signifie ennemi, et qui contrôlerait d'innombrables cohortes de démons obéissant à ses ordres. Le judaïsme et l'islam parlent également d'un seul et gros méchant qui serait l'ennemi de Dieu. Il y aurait donc les forces du bien, Dieu et ses anges, et les forces du mal, le diable et ses démons. Remarquez que le mot diable commence par la racine « di », comme dans le mot « diviser ». Le mot « Dieu » vient d'une autre racine indo-européenne « dei », qui veut dire « lueur » ou « briller ». Dieu brille d'un côté et le diable se cache dans la noirceur et s'efforce de diviser pour régner. D'autres conçoivent le divin comme étant l'un et le tout, ou encore mieux, l'un en tout. Sri Aurobindo écrivait « Pour moi, tout est Brahman et je trouve le divin partout ». Selon cette vision de la réalité, l'univers fonctionne donc comme un seul et grand hologramme dont chaque parcelle contient le tout. Le mot latin « universum » signifie « tourner vers un ». Alors, s'il n'y a que l'un qui est tout, que vient faire le diable dans cet univers? Forcément, le diable est issu du divin. Il fait partie de son grand corps universel et continue d'exister parce qu'il sert le plan divin. Rappelons-nous que les trois religions abrahamiques ne parlent que d'un seul diable qui commanderait ses corps démoniaques. L'hindouisme parle plutôt de quatre grands asuras, vous souvenez plus haut, le démon, qui régnerait sur la création divine. Le mot asura veut dire anti-sura ou anti-dieu, puisque le mot sura est synonyme de deva, un mot sanskrit qui signifie dieu. Selon les expériences spirituelles de Sri Aurobindo, de Mère et d'autres, il y aurait plusieurs grands démons, et chacun d'eux jouerait un rôle particulier au sein de la création. Ces suras, ces grands dieux, se transformèrent en asuras, anti-grands dieux, et manifestèrent des millions d'émanations, des hiérarchies démoniaques qui leur ressemblent et obéissent à leurs ordres. Il existe donc quatre hiérarchies diaboliques et non une seule comme les chrétiens, les juifs et les musulmans le prétendent. Ce sont ces quatre asuras et leurs fidèles serviteurs qui sont responsables de la plupart des événements chaotiques qui ont lieu depuis des millions d'années, autant sur Terre que dans le reste de l'univers. Et comme ces grands asuras et leurs émanations sont des êtres qui habitent des mondes non évolutifs, alors que le monde terrestre est évolutif, ils sont donc immortels. Tant qu'ils sont nécessaires à l'évolution universelle, ils existeront. Le jour où ils perdront leur utilité, ils se convertiront ou ils disparaîtront. Ils étaient quatre. Le premier s'est converti, l'autre s'est dissous en son origine. Deux vivent encore, et ces deux-là sont plus acharnés que tous les autres. L'un est connu en occultisme comme le seigneur du mensonge, et l'autre le seigneur de la mort. Il y a si longtemps que ces deux existeront, il y aura des difficultés. Donc, deux de partie, c'est déjà pas mal. La plupart des gens ignorent l'existence des deux asuras qui restent encore en place et jouent avec l'humanité comme le chat avec la souris. Pour comprendre leur mode de fonctionnement et déjouer leur action néfaste, apprenons à connaître nos deux plus grands problèmes actuels. L'asura de la mort. Au début de la création, le Sura de la vie s'est coupé du divin pour vivre l'expérience de la liberté du choix, comme les trois autres grands Asuras. Lui aussi a manifesté ses propres cohortes de démons qui sont devenus les spécialistes de la maladie, des accidents et de la mort. On le représente souvent dans les sociétés occidentales habillée d'un habit de moine et portant une grande faux servant à couper les têtes, la fameuse faucheuse. Les hiérarchies démoniaques de l'assureur de la mort travaillent fort lors d'épidémies, de guerres, de révolutions. Elles stimulent les assassins, fomentent les tueries de masse, encouragent les violences des soldats en temps de guerre et gardent les êtres humains dans la peur constante. Comprenons qu'en dessous de toutes les peurs se cache la plus importante, la peur de la mort. Hein, c'est l'outil avec lequel on nous terrorise actuellement. Que faire face à la mort? Eh bien, se donner à notre âme et la laisser décider du sort de notre corps sans souhaiter la mort du corps. Évidemment, il faudra résister aux tentations d'entités qui nous susurront « Allez, laisse ton corps mourir » afin qu'il puisse enfin goûter au repos éternel. Il est fatigué et souhaite retourner au néant. Fin de la citation. En résistant à ce genre de tentation et en se soumettant totalement aux aspirations de l'âme, il est possible que le corps survive malgré la maladie et la douleur. Quant au repos éternel, rien n'est moins vrai. La mort du corps ne signifie pas la mort de l'ego. Ce dernier continue à exister dans les mondes vitaux pendant quelque temps et vit des moments souvent très difficiles s'il reste encore attaché à ses croyances, à ses émotions et à ses désirs. L'assurade du mensonge. Mère a dit à ce sujet, « Ce qui fait le plus de dommages, c'est le seigneur du mensonge. Ça, c'est vraiment celui qui est l'obstacle le plus grand dans l'univers. Cette constante négation de la vérité. Il a une très forte prise sur le monde terrestre, sur le monde matériel. D'ailleurs, ici, sur la Terre, ceux qui le voient, le voient vraiment comme un être absolument merveilleux et splendide. Il s'intitule « Le seigneur des nations ». Et il apparaît formidable, lumineux, puissant, très impressionnant. Historiquement, il a été l'inspiration de certains chefs d'État. Il se déclare le seigneur des nations parce que c'est lui qui gouverne les peuples. Il est évidemment à l'origine, l'organisateur suprême des deux dernières guerres. Et il a déclaré d'ailleurs qu'il ne se convertirait jamais. Il sait qu'il aura une fin. Naturellement, il essaiera que ce soit le plus tard possible. Il a déclaré qu'il détruirait tout ce qu'il pouvait d'être détruit. On peut s'attendre à toutes les catastrophes. Actuellement, c'est le seigneur du mensonge qui gère les nations en contrôlant leurs politiciens, leurs chefs militaires, les PDG des grandes multinationales, etc. À travers eux, il peut donner des ordres, dicter la marche à suivre. Voici qui explique la procédure utilisée par l'élite pour recevoir ces informations. Des cérémonies dites sataniques sont organisées partout où un contact est nécessaire entre l'assureur du mensonge et ses représentants humains sur Terre. Lors de tels événements, des victimes, hommes, femmes, enfants, bébés, sont violées, torturées, poignardées et éventrées. Parfois, les participants boivent le sang et mangent certains organes. Des films comme Les yeux grands fermés exposent une infime partie de ce qui se passe vraiment lors de ces cérémonies. Les énergies libérées lors de sacrifices permettent l'ouverture d'un porte interdimensionnel et la connexion avec les mondes assuriques. C'est ainsi que le Seigneur du mensonge a dirigé tout le cours des événements terrestres depuis les derniers siècles. Excusez-moi. D'ailleurs, c'était lui qui guidait directement Hitler. Voici l'explication qu'en donna Mère. Il y a eu un exemple historique, c'est le cas de Hitler, qui était en rapport avec un être qu'il considérait comme le suprême. Cet être venait et lui donnait des conseils, lui disait tout ce qu'il fallait faire. Hitler se retirait dans sa solitude et restait le temps qu'il fallait pour rentrer en contact avec son guide et recevoir de lui des inspirations qu'il mettait ensuite à exécution. Cet être que Hitler prenait pour le suprême était tout simplement un Asura, celui qu'on appelle le seigneur du mensonge en occultisme, et il se proclamait le seigneur des nations. Il aurait trompé n'importe qui. Il était vraiment splendide. Généralement, il apparaissait à Hitler avec une cuirasse et un casque d'argent. Une sorte de flamme sortait de sa tête. Il y avait une atmosphère de lumière éblouissante autour de lui, si éblouissante que Hitler pouvait à peine le regarder. Hitler était un très bon médium, il avait de grandes capacités médiumniques, mais il manquait d'intelligence et de discernement. Et cet être qui lui parlait pouvait à peu près lui dire n'importe quoi, et Hitler avalait tout. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que Mère venait encore de déranger ses plans, l'assureur du mensonge lui dit « Tu verras, je sais que tu me détruiras, mais avant d'être détruit, je ferai autant de décombres que l'on peut en faire, tu peux être sûr. » Fin de la citation de cet asura. Quand on observe les événements mondiaux depuis les dernières décennies, surtout quand on considère l'augmentation exponentielle des changements terrestres, sans compter les désordres politiques, sociaux, médicaux et autres, il devient évident qu'on approche dangereusement d'un effondrement total de notre civilisation actuelle. Comment cela finira-t-il? Ça te prime, se fait rassurant. On a tous l'air d'aller à la mort et à la destruction comme les vieux dinosaures. Et pourtant, c'est le contraire du désespoir. Jamais époque n'a été plus fertile en dépit de toutes ces destructions. Je vais mettre, non pas une pause médicale, mais une pause musicale. Alors, c'est Small Town Hoarder Until We Get By. Un monde de mensonges. La pandémie du coronavirus bat son plein. La plupart des gens sont confinés à la maison, plusieurs ne travaillent plus, alors que ceux assignés aux services essentiels sont surchargés de travail et vivent dans la peur d'attraper le fameux virus. Diverses régions du Québec sont fermées et on accepte uniquement les paiements par carte de débit ou de crédit dans la majorité des rares commerces encore ouverts. Par contre, les Walmart et compagnie, eux, sont ouverts. Quand c'est dark et sale, Walmart n'est jamais bien loin. Les gens qui osent se tenir trop près des autres en public ou de faire du tourisme reçoivent des contraventions salées. Ah, le petit bus qui se promène à Montréal qui dit que c'est entre 1 000 et 6 000 $. Les médecins qui osent dire que cette pandémie n'en est pas une et que les microbes ne s'attrapent pas sont muselés, radiés ou pire. Alors que les mesures se resserrent, le mensonge devient de plus en plus évident. La société occidentale, basée sur la liberté et l'abondance, est en train de mourir de sa belle mort. Comment un changement si drastique et si rapide est possible? L'asura du mensonge semble devenu tout puissant. Entouré de ses cohortes, il utilise une technologie de pointe et l'intelligence artificielle qui lui donne accès au monde matériel de façon inégalée. Celui qui guidait Hitler si efficacement se prépare depuis longtemps à la période actuelle que Sri Aurobindo nommait « l'heure de Dieu ». En effet, ses efforts se sont multipliés depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors que sa défaite semblait complète. Rien n'était moins vrai. Elle ne l'était qu'en apparence. En réalité, Hitler et ses SS allemands ont continué leur travail dans plusieurs endroits. Juste quelques-uns. Là. En Argentine, des nazis se réfugièrent dans certains pays d'Amérique du Sud, dont le plus connu à cet effet est l'Argentine. Certains témoins ont même rapporté avoir vu circuler Hitler dans ce pays après la guerre. Sa mort aurait été fausse, un autre cadavre ayant été utilisé plutôt que le sien. Aux États-Unis, l'opération Paperclip, un dossier maintenant connu de plusieurs, permit à des milliers de scientifiques nazis d'émigrer aux États-Unis en utilisant l'aide de la Croix-Rouge et des passeports issus du Vatican. Ces scientifiques allemands devinrent entre autres en charge de la CIA puis de la NASA et de tout le programme spatial secret qui se cache derrière les apparences. Au niveau mondial, les nazis s'infiltrèrent au sein d'importantes multinationales, des cartels de drogue et de pédophilie, ainsi que dans tous les domaines importants de la société occidentale, dont la politique, l'argent, l'éducation et les médias. Voilà pourquoi nos médias, nos écoles, nos collèges et nos universités n'enseignent qu'une fausse version des faits. Voilà pourquoi nos politiciens et nos banquiers nous volent et nous mentent. Si l'on regarde notre société actuelle, et ceci sur toute la planète, on constate que le mensonge sous-entend tout. La fausse pandémie actuelle nous le prouve de façon éclatante. Le nazisme s'est répandu partout comme une gangrène souterraine habillée d'un masque démocratique ou communiste selon le besoin. L'art du mensonge et de la dissimulation portait son apogée dans le domaine spirituel. Les explications de Sri Aurobindo et de Mère m'ont permis de jeter aux poubelles tout ce que j'avais appris dans les écrits dits « nouvel-âgistes ». Ce nouvel âge de l'ère du Verseau, m'expliquait-on, doit remplacer l'ère des poissons. Parmi certaines explications, celle-ci semble populaire. Le fameux Saint-Germain, l'avatar de l'ère du Verseau, a reçu le flambeau passé par Jésus, qui est lui l'avatar de l'ère du poisson. Le courant miracle représente un magnifique exemple de ce travail interdimensionnel entre les mondes invisibles, la technologie et certains êtres humains consentants ou parfois inconscients de leur implication. Résumons rapidement. En 1965, Hélène Schumann commença à entendre la voix de Jésus dans sa tête. Son collègue William Thetford prit note de tout ce qui lui fut révélé par ce grand avatar. Il est probable que la technologie Voice to School, ou une onde du même genre, ait été utilisée pour cette expérience de contrôle mental. Après quelques années, Hélène mit en doute la véracité de la source et refusa d'avoir son nom inscrit sur le livre qui fut publié en 1979. Par la suite, les médias rendirent ce livre extrêmement populaire, en utilisant des émissions télévisées connues comme celle de Johnny Carson, 3 millions de copies vendues, ensuite celle de Oprah Winfrey avec 2 millions de copies vendues. N'oublions pas qui contrôle vraiment les médias. Quelques années auparavant, en 1963, Jane Roberts avait commencé à noter les messages d'une entité nommée Seth qu'elle entendait directement dans sa tête. Par la suite, une longue procession de médiums vécut des expériences similaires. On ne les passera pas toutes. Bien qu'il y ait toujours eu des médiums qui entendaient des voix d'entités des mondes invisibles, il n'y en a jamais tant eu qu'au 21e siècle. Comme l'expliqua Mère, cette lutte, ce conflit entre les forces constructives d'évolution ascendante, de réalisation de plus en plus parfaite et divine, et des forces de plus en plus destructives, puissamment destructives, des forces d'une folie qui échappe à tout contrôle, est de plus en plus évident, marqué, visible. Et c'est une sorte de course ou de lutte à qui arrivera le premier à son but. Il semblerait que toutes les forces adverses, antidivines, les forces du monde vital, soient descendues sur la terre, qu'elles s'en servent comme de leur champ d'action et qu'en même temps une force spirituelle plus haute, plus puissante, nouvelle, soit aussi descendue sur la terre pour y amener une vie nouvelle. Ça rend la lutte plus aiguë, plus violente, plus visible, mais il semble aussi plus définitive. Et c'est pourquoi l'on peut espérer, arriver à une solution prochaine. Fin de la citation. Que faire face à ces invasions invisibles, hein, à peu près aussi invisibles que le virus du que j'appelle du COVID? L'important ici est de comprendre que la technologie des entités à la sonde de la sourate du mensonge ont rendu les messages de l'au-delà encore plus faux et édulcorés qu'auparavant. Nous baignons littéralement dans la duperie sur tous les plans et le côté spirituel est le plus trompeur de tous. Il réussit même à abattre les mensonges flagrants de nos politiciens et de nos scientifiques au sujet de la fausse pandémie actuelle. Jamais la duplicité n'a été plus féroce et plus flagrante pour ceux et celles qui ont acquis un discernement aiguisé que pendant ces temps de pandémie. Certains mensonges visent les moutons blancs, les explications officielles véhiculées dans les médias. D'autres menteries servent d'appât irrésistible pour les moutons noirs. Un exemple flagrant de ce second type de déception se nomme « Trust the plan », « Fais confiance au plan ». Le dénonciateur QAnon nous promet l'arrestation de l'État profond qui comprendrait 158 000 personnes accusées de pédosatanisme. Le gentil Trump, les preux généraux de la marine américaine et les bons extraterrestres se sont ligués, semble-t-il, pour diriger en douce cette opération d'envergure internationale. 40 000 soldats auraient été envoyés en Europe pour arrêter des membres du Vatican et de familles de sang royal. Les bons vont enfin punir les méchants et on pourra revenir à nos habitudes sans avoir rien changé à l'intérieur de nous. Longue vie à notre ego. Puis j'écoutais la vidéo la spontanée qu'a fait Guy Boulian dimanche dernier. Et dans ce qu'il a nommé justement l'opposition contrôlée, hein, c'est vraiment intéressant. Puis le discernement doit vraiment prendre le pas, surtout en ce moment. Évidemment, notre ego se réjouit de telles nouvelles, mais notre âme sonne l'alarme. Tout ceci, la pandémie, Cross the Plan, le bon Trump, les gentils E.T., le courageux dénonciateur de QAnon et toutes les solutions qu'ils amèneront dans le futur, représentent la dernière mystification avant que tout s'écroule. Les fourberies du Seigneur du mensonge tirent à leur fin. Il le sait et fait tout ce qu'il peut pour empêcher une masse critique d'êtres humains de parvenir à leur union âme-corps. Mais une masse critique d'âmes sont mûres. L'évolution terrestre, encore plus grosse que celle qui permit à la vie d'apparaître sur Terre. La sourate du mensonge joue son rôle de stimulateur évolutif de façon parfaite. Il organise les événements pour pousser notre ego dans ses derniers retranchements et le dissoudre. Au programme. Une attention de tous les instants. Un courage indomptable, une détermination inébranlable, une patience infinie et une sincérité à toute épreuve. Évidemment, cette disposition intérieure va en grandissant à mesure que l'on avance sur ce chemin inexploré. Il ne faut surtout pas se laisser décourager. Alors, voilà, c'est la fin des extraits de ce texte. Et comme elle, comme Mado, je ne crois pas non plus aux sauveurs politiques, ou religieux, ou économiques, ou name it. Je cherche à voir le plus grand portrait, là, à lever le rideau et de regarder ce qui est en arrière. On va prendre une pause, non pas médicale, mais musicale, avec Heavy Sunshine for Me. You know it's what you do when you're thinking. Nobody's looking, no one's looking. Well, you gotta love them up, whether you want to or you're just dreaming. You're just dreaming. First you hide, then see. Oh, and you're lonely, week to week. Oh, will you ever promised land, over the border, over the border. Still you hide, then you see. Oh, when you're lonely, week to week. Oh, will you ever learn to shine for me? Break down what you fear and honor. Close the light, hein, c'est pas le temps de le lâcher. Si je reviens dans les trucs qui m'ont marqué aussi au cours de la semaine, il y a Walmart, quand je vous dis que Walmart n'est jamais bien ben loin là, du trouble, qui ont fait des nouveaux t-shirts pour enfants. Alors, il y en a un qui s'est carrément inscrit New World Order dessus. Et il y en a un autre qui est surprenant. Donc, c'est écrit Wanna Pizza Me. Et le A de la pizza est en pointe de pizza. Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire du Pizzagate, c'est un petit peu révélateur. Puis sur le T-shirt, alors, voilà, pizza me. Et puis, on voit deux requins qui tournent autour là, du morceau de pizza, là, pizza me. Autre chose aussi qui m'a fait un petit peu... Que je sais depuis longtemps là, que c'est dans les tendances, dans les projets. En France, le FMI propose de taxer l'épargne privée pour solder les dettes nationales. Alors ça, on le sait bien qu'éventuellement, ils vont entrer dedans. Et tout ce qui s'annonce et se passe en France arrive au Québec, inévitablement. Anyway, là, c'est le même modus operandi partout. C'est pas compliqué. Alors, sur la dictature numérique, si vous avez aussi la chance de voir le documentaire de Art, 7 milliards de suspects, ça vaut le détour. La répression chinoise tend à vouloir s'exporter dans de nombreux pays, sinon partout, là, peut-être. Allons-nous aussi voir venir des camps de rééducation pour ceux qui conservent leur esprit critique? Tout semble tendre vers la tentative de briser les identités. Dans les lanceurs d'alerte, j'aime bien aussi Jean-Jacques Crèvecœur, que je suis depuis un bon moment. Il rappelait dans une vidéo Naomi Klein, la journaliste qui a écrit La stratégie du choc, parue en 2017, alors qu'il racontait, n'est-ce pas, tout c'est un traumatisme collectif, une guerre, un coup d'État, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste, plonge chaque individu dans un état de choc. Après le choc, nous redevenons des enfants, désormais plus enclins à suivre les leaders qui prétendent nous protéger. L'infantilisation actuelle des citoyens est, pour moi en tout cas, affolante. Puis ce qui l'est encore plus, c'est la quantité de gens qui la demandent à genoux. Hein. Sur les informations manipulées, en 2009, on voulait partir le bal avec la H1N1 et instaurer une dictature médicale sous le couvert d'une pandémie, avec des militaires prêts à encadrer les vaccinations obligatoires. D'ailleurs, j'ai vu aussi paraître aujourd'hui qu'au Nouveau-Brunswick, elle allait être obligatoire pour les enfants à la rentrée 2021. Si je ne me trompe pas, c'est 2021 en tout cas. Mais déjà, on avait alors annoncé à l'époque du H1N1 20 millions de morts pour l'hiver 2009-2010. On disait que c'était comme la grippe espagnole, hein? Puis on nous dit encore que c'est comme la grippe espagnole. En 2009, leur stratégie a été différente. Les débuts étaient rassurants, mais avec des frontières ouvertes. Hein? Rassurants et avec des frontières ouvertes. Puis dans les médias de masse, tout en disant qu'il n'y avait pas de danger, on exposait le nombre de morts à répétition tous les jours. Le terrorisme médiatique a fait son œuvre. Mais j'ai même vu cette semaine sur une vidéo un prêtre dénoncer la marque de la bête et l'arrivée du nouvel ordre mondial. Des médecins qui sont menacés d'être radiés s'ils font le traitement à la chloroquine. Il y a des avocats qui se lèvent. Mais bien sûr que pour l'instant, ça ressemble vraiment à David contre Goliath. Et il y a plein de clins d'œil savoureux. Bill Gates, celui qui veut vacciner 7 milliards d'individus, ne vaccine même pas ses 3 enfants. C'est assez clair, me semble. On tient à ce que vous ayez une identité numérique détectable partout, à tout moment. Et ainsi capter votre charge virale fixée sur votre portable, alors que cette charge, ben, elle change tout le temps. Elle change selon vous mangez, elle change selon votre niveau de stress, etc. Mais là, c'est bip bip, vous avez croisé un infecté, go en confinement. On est déjà rendu plus loin aussi que la simple micro-puce qu'on pouvait toujours tenter de retirer. On est rendu à des gels de nanotechnologie qui se fixent aux cellules et fusionnent aux os. Ils sont en mesure d'influencer les pensées, les humeurs, les émotions et endormir la conscience. Souvenez-vous tantôt déjà en 2005, ça travaillait, puis d'ailleurs dans cette vidéo, il y avait la face de notre cher ami Bill. Et ça, c'est ça, en 2005, c'était clair, c'était déjà éliminer le gène de Dieu. Mais en fait, ce qu'on veut éliminer, c'est l'esprit de l'individu. Pour savoir ce qui nous attend, il suffit de se tourner vers la Chine dictature 3.0. Le système de pointage des citoyens est surréaliste. Déjà au Québec, pour l'automne, on nous propose d'être géolocalisés en permanence. Ceci, dit-on, en préparation pour la seconde vague. Mais en fait, il y a déjà 7 vagues consécutives qui sont annoncées, rien que ça. Comment peuvent-ils le prédire? Tout simplement en mentant tout le temps. Le but du jeu est de contrôler la population mondiale. Les bonnes questions à poser sont « Pourquoi cette année subissons-nous ce terrorisme médiatique? Pourquoi, si les choses ne sont pas plus graves que les années précédentes, nous a-t-on forcés à arrêter nos activités? Pourquoi nous bassine-t-on les oreilles depuis des mois avec un vaccin alors que des remèdes simples et peu coûteux existent et ont fait leurs preuves? Pourquoi nous effraie-t-on déjà avec la perspective d'une seconde vague? Pourquoi Bill Gates est-il devenu le commandant en chef des opérations sanitaires mondiales pour terrasser ce coronavirus? Et en quelle légitimité? Et finalement, la question centrale sera, mais qu'est-ce que cette bande de salopards nous prépare pour notre avenir? Et moi, individuellement, personnellement, qu'est-ce que je fais avec mon libre arbitre? Quelle est ma décision? Notamment face à accepter une identité numérique totale, une marque, une puce, name it. C'est mieux d'y réfléchir avant qu'après. Puis, pourquoi je suis allée dans la partie du centre ce soir dans l'émission de se rappeler que, bon, si c'est un hologramme, là, tu sais, de l'un dans tout, là, ben voilà, tu sais, ce qui se passe, là, c'est aussi, là, dans la game aussi qui est plus grande, plus puissante que c'est une guerre de qui est encore une fois, on vit pas une guerre de religion en ce moment. En ce moment, les Asuras, les forces du mensonge et les forces de la mort ont déclaré la guerre à l'humanité. L'humanité, c'est un paquet d'individus qui, individuellement, ont à choisir pour eux-mêmes qu'est-ce qu'ils vont accepter, qu'est-ce qu'ils vont refuser, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Moi, ça fait pas depuis 2-3 mois que je me pose cette question-là. Ça doit faire à peu près 15 à 18 ans maintenant que je me pose la question régulièrement pour la centrer, l'arrimer, être de plus en plus forte avec ma décision, puis ma réponse n'a jamais changé, là. Mon âme n'est pas à vendre, mon esprit n'est pas à vendre. C'était vrai, voilà, 15 ans, puis c'est encore plus vrai maintenant que la menace est vraiment concrète et manifestée, là. Alors, c'est à chacun, d'après moi, de faire l'exercice. Il vaut mieux y réfléchir avant qu'après. Puis quand je dis ça, que moi, c'est non merci, là, à ça, ben c'est en acceptant, j'y connais pas, personne, hein, on connaît rien, là, de ce qui nous attend. Puis j'ignore les conséquences de moi, avec mon libre arbitre, de refuser ça. Je sais pas les conséquences. Mais je sais qu'il y a des forces très puissante, plus puissante que tout le cirque. Hein. Moi, je regarde aller, là, Gates, Lady Gaga, puis toute leur trip là, de rituels sataniques et tout ça. Tu sais, c'est une vraie joke, là. C'est une farce. C'est comme des puissances là, qui sont vraiment, je pense, en bout de piste de toute façon, tellement qu'ils sont absurdes et ridicules et qu'une grande partie de la population les prend plus au sérieux, tu sais. Ne l'y croit plus, tu sais, ça passe plus. C'est comme fini, ça, pour ben du monde. Puis il s'agit qu'il y en ait de plus en plus, puis il s'agit d'atteindre une masse critique de personnes individuelles qui, dans leur fort intérieur, vont être sincères, intègres avec elles-mêmes et qu'elles vont refuser de jouer à ce jeu incroyablement, en bout de ligne, diabolique. Et à quelque part, là, un coup qu'on va l'avoir traversé, ça va être dire hey, finalement, qu'est-ce que c'était inintéressant. Mais en même temps, c'est une bonne période pour se stimuler tous sur chacun ce qu'on veut vraiment dans tout ça. T'sais. Alors moi, c'est à peu près ça qui fait le tour pour moi ce soir. Je vais vous laisser là-dessus avec, je vais me mettre punk rock opéra. Bonne semaine! Hein, beaucoup de force, de courage et de larmes aussi. Moi, des fois, mon stress, il part bien. Tu sais, je verse quelques larmes, puis ça, dans mes larmes, finalement, ce qui coule, c'est du stress. Tu sais, je me libère de ça. Parce que le stress, ça bousille notre système immunitaire. C'est pas bon. Ça nous amène à des places qu'il faut pas aller. Il faut vraiment être en forme en ce moment. Alors voilà, je mets cette chanson. Et à tous, à dimanche prochain.